Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. J'espère que tout va bien pour vous. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mars 2026. Et qui dit le premier mercredi de chaque mois, dit évidemment John Hayday en live. On va retrouver John Hayday de 1963 jusqu'à 1993 avec de temps en temps des chansons qui ont été très peu courantes dans les concerts de John Hayday pendant près de 60 ans. On commence tout de suite par le concert que Johnny avait donné en 1963 à Amsterdam et on commence par le titre « Dis-moi oui ». comme je l'ai fait l'été dernier. Je veux te tenir, qu'un sourire, mais jamais te quitter. Ne me dis pas que tout va changer, qu'on va tout oublier. Ils sont là ce soir, tous les copains qu'on voulait revoir. On va danser toute la nuit et dans l'ambiance se retrouver. On va s'aimer et s'amuser, tu comme l'été dernier. Retrouvons tout de suite John Hallyday à Lausanne le 4 avril 1962. Sur ma vie, sur mes pas, et je n'aime que toi. Mon septième ciel, c'est tes yeux dans lesquels je vois le monde en bleu. Mon septième ciel, je te le dois depuis bien longtemps déjà. Mon septième ciel, chérie, c'est toi, oui, rien que toi, mon ami. Bien trop timide pour te parler, trop timide pour oser un jour me déclarer. J'ai laissé mon rêve s'envoler. Oh là là, ah chérie, ah pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, après il y a eu aussi. Je cherche une fille, oh oh oh oh, je cherche une fille, et yeah, pour l'emmener faire un petit tour au ciné. Wouh, je cherche une fille, oh oh oh oh, mais comme je suis pas prêt de la trouver, je vais garder Dorothée. Tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles, oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Mais laisse donc un peu les filles. Laisse donc un peu les filles. Donc un peu les filles. Kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch, kill watch La Suisse pour retrouver Johnny Hallyday sur la scène de l'Olympia au Musicorama européen en 1965. Tu viens te planter devant moi et pas serrer le regard froid parce que la fille qui t'a quitté auprès de moi s'est réfugiée. Je vois dans le fond de tes yeux veiller un éclair dangereux. Entouré de tous tes copains, tu viens me barrer le chemin. Et je passe, je le. Je n'ai rien contre toi, mais avec moi, crois-moi. Et je passe, je le. Elle ne demandait qu'à t'aimer, mais la voir pleurer, t'amuser. Aujourd'hui, tu as des remords. Tu comprends que tu as eu trop. Mais il est trop tard maintenant. Il fallait y penser avant. C'est moi qu'elle aime, tu n'y peux rien. Et tes points n'y changeront rien. Ne joue pas ce jeu-là. Je n'ai rien contre toi. Mais avec moi, crois-moi. Ne joue pas ce jeu-là. cherche à cacher ton chagrin. J'ai compris, je ne t'en veux pas. Mais pourquoi se battre pour ça? Viens mon chemin, écarte-toi. Ne joue pas ce jeu-là. Me pardonne, ma chance m'abandonne. Ça m'apprendra à être bon garçon. Me voilà en prison. La fille que j'aimais, le jour la nuit sifflait. Elle se prenait pour un petit oiseau. Moi j'adore les oiseaux. Le diable me pardonne. Mon idée était bonne. Par la fenêtre, un jour je l'ai poussée, mais elle n'a pas volé. Je me suis marié avec sa sœur, oui, mais c'était encore pire. Elle n'aimait que dormir. Le diable me pardonne. Mon idée était bonne. Dans son café, oui, j'ai mis la Nora. Elle dort depuis 6 mois. C'en est décourageant. Les gens jugeaient, oui, que ma manière d'aimer présentait des dangers. Le diable me pardonne. Ma chance m'abandonne. Ça m'apprendra à être mon garçon. Les femmes me perdront. Oui, le diable me pardonne. Oui, bah, le diable me pardonne. Le diable me pardonne. Oui, le diable me pardonne. Je suis né dans une ville où mon père fut en prison. Ah, je me souviens quand il disait oh, oh, oh, sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses et dans des chiens sur ton dos. Et mon fils ne te trouvait oh, oh, oh, pleurant de honte contre 4 murs gris. J'ai mis les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière où coule le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale. J'ai essayé de travailler. J'étais même les mains dans une eau sale. Hey! la misère. Oh, oh. J'entends les chiens qui courent dans mon dos. J'entends le bruit des chiens qui courent dans mon dos. J'entends le bruit des chiens qui courent dans mon dos. Vous êtes à l'écoute de Musicorama, devant nous, Johnny Hallyday, un chef et une vedette, guitare à la main, trempé de sueur. Notre amour s'efface, nos cœurs ont fait leur temps, quand la fin menace, mieux vaut partir avant. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé, on s'aimait. Et tu vois, on s'est trompé. Notre amour s'efface, notre amour est perdu. Et quoi que l'on fasse, il ne revivra plus. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, et tu vois, on s'est trompé. Bien trompé, bien trompé. Les cœurs font plonge, mais la vie, les gens. Le vent a soufflé sur les roses. Que nos mains, vois-tu, ne verraient plus. Notre amour nous quitte comme il était venu. Tout s'est fait si vite, mon cœur ne comprend plus. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait. Et tu vois, on s'est trompé, bien trompé, bien trompé. Les cœurs proposent, mais la vie, les gens en disposent. Le vent a soufflé sur les roses, que nos mains battues ne feraient plus. On s'est trompé. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. Johnny Hallyday à l'instant à l'Olympia le 18 octobre 1966. Un petit bond dans le temps, on retrouve Johnny Hallyday à Beauchu le 28 juin 1974 avec Michel Mallory. Je suis heureux de pouvoir faire ce spectacle pour vous. Et il y a également un ami à moi qui écrit toutes les paroles de mes chansons, qui écrit énormément de musique également pour moi, qui s'appelle Michel Mallory, qui est venu ce soir avec moi aujourd'hui pour chanter. Reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour. Tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi. A son cœur à l'abandon et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai

On poursuit avec ce John Hallyday live. Premier mercredi du mois, John Hallyday en live dans l'émission Johnny de A à Z. On retrouve John Hallyday à Cambrai le 12 septembre 1968. Leur aujourd'hui, vous auriez peur, peur de mon cri. J'ai tout détruit comme un plaisir. Et ça fait mal, je peux vous le dire. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Oh oui. Mal, mal. J'ai un amour qui me fait bien trop mal. Mal, mal. En prie, tu jures, mais ça fait bien trop mal. Mal, mal. Comme une bête, j'en souffre, j'ai mal, mal, mal. J'ai un amour qui me fait pas trop mal. Que celui qui aime, et c'est mes compagnes. La nuit je l'appelle, comme elle était belle. Cet amour-là, toute ma vie, comptez mes jours et mes nuits. Si le jour je tiens droit debout, la nuit je pleure, je tombe à genoux. Na na na na na na na na na na. Oh oui. Mal, mal. C'est un amour qui me fait bien trop mal. Mal, mal. En fait tu jures mais ça fait bien trop mal. Mal, mal. Comme une bête j'en souffre, j'ai mal, mal. C'est un amour qui me fait bien trop mal. La nuit le silence, avec ma souffrance. La nuit je l'appelle, comme elle était belle. Mal, mal. C'est un amour qui me fait bien trop mal. Mal, mal. En fait tu jures mais ça fait bien trop mal. Mal, mal. Comme une bête j'en souffre, j'ai mal. Mal, mal. C'est un amour qui me fait trop mal. Que celui qui aime et c'est me comprenne. La nuit je l'appelle comme elle était belle. Comme elle était belle. Comme elle était belle. Comme elle était belle. Comme elle était belle. Et elle vivait

Un petit pas suffit pour passer de 1968 à 1969. John Hallyday a compris. Cette illusion de toi, tout se change, on n'est pas présent, la vérité s'en va. Je reste là, ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, oui c'est bien toi, oh non. Dans cette fumée, tu es l'arc-en-ciel dans un ciel gris. Et même le temps semble arrêter et mon esprit détruit. Tout se change en rêve apaisant, la vérité s'en va. Je reste là, ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, oui c'est bien toi, oh non. Toute cette fumée vient me voler le meilleur de toi. Même la nuit qui vient troubler cette illusion de toi. Tout se change en rêve à présent, la vérité s'en va. J'en reste là, ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, oui, c'est bien toi, oh non. Toute cette fumée, toute cette fumée, toute cette fumée, me tourne la tête. Tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, je te connais. Tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. En toi, tu fais le ciel en. Pour un reflet dans l'eau, non, rivière, ouvre ton lit. sont choisis pour maîtresse. Je sais combien t'as mis. Une messe, rivière, où va-t-on aller? Rivière, où va-t-on aller? Thank you. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut de ma chemise, ouais? Moi j'ai horreur, moi j'ai en horreur de chanter pour un public qui est aussi loin de moi. Ouais. Avancez un peu tout le monde. Hey, go! Wow! Hey, go! Rivière! Rivière, ouvre ton lait. Ouvre ma ton lait. Au fond de toi, rivière, je veux descendre au fond de toi. Je veux toucher le fond de mon malheur. Toucher le fond de ton cœur. Rivière, ouvre-moi ton lit. Hey, hey, hey, hey, hey. Rivière, ouvre-moi ton lit. Superbe version de Rivière ouvre ton lit de plus de 12 minutes. C'était à Cambrai en 1969. Retrouvant Johnny en Belgique, à Spa, le 26 juin 1975. good to me. Oh, yeah. I got a woman way out of town, good to me. Oh, yeah. Well, she's my baby, don't you understand? She's a kind of woman, ain't she? Don't you know I got a woman way out of town, good to me, baby. Oh, right. You gotta love me early morning, good to me. Oh, yeah. Gotta love me day and night. The drum is the first hiss. Only three moves. Gotta run in the streets, leaving me alone. Good to me, oh yeah. I got a woman way out of town. Good to me, oh yeah. She's got to help me when I'm in need. She's the kind of woman in me. I got a woman way out of town. Good to me, oh yeah. Hey! All day and night, never grumbles or fusses, always treat me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows a woman place right there or in her home. I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah. Well, don't you know I got a woman way out of town, good to me. Oh yeah. She just help me when I'm in need. She's a kind of woman in need. I got a woman way up town, good to me. You know she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Oh, she's all right. Well, I got a woman. Oh, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Oh, don't you know I got a woman? Oh, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know, don't you know I got a woman? Oh, she's all right. I got a woman. I got a woman. I got a woman. I got a woman. I got a woman. Your nickels, I got a way out of town. Ain't you good to me? Il a les mêmes. Dans la vie, que parfois je m'ennuie, je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. tout simplement l'amour. Vide une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi le se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, et le spectacle terminé, s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis. Combien tout seul je suis. Bon, écoutez, on est bien à Cambrai, hein, la fête de la bêtise. Oui, oui, oui. On y retourne en 1970. Jésus-Christ. Encore aujourd'hui. Et toi, plus gros, c'est un génie. Et toi, jouer de la guitare, et coucher sur les bancs d'écart. Et toi, fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus qui est taïpé. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco. Jésus, Jésus-Christ est taïpé. Dans les parcs et le long du dock, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour ville de vagabondage. Au grand festival de Woodstock, c'est lui qui soignait les blessés. Jésus, oui Jésus-Christ, oui Jésus-Christ est taïpé. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Arrive à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Jésus, oui Jésus-Christ, Jésus-Christ est taïpé. Jésus, oui Jésus-Christ, Jésus-Christ est taïpé. où je vais mourir ou m'endormir. Mais je ne peux plus ouvrir les yeux. Je voudrais avoir rien qu'un ami pour lui dire ce soir, prête-moi tes yeux. Regarde bien par la fenêtre, ne vois-tu pas une fille en blanc devant l'église qui m'attend? Regarde pour moi. Où je vais dormir ou bien mourir, mais je sens le froid au fond du cœur. Je voudrais avoir rien qu'un ami pour lui dire ce soir, laisse-moi ton cœur. Regarde bien par la fenêtre, ne vois-tu pas une fille en blanc qui me crie pardon en pleurant? Regarde pour moi. Vous écoutez Érigé, la radio d'une année le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. J'en bafouille. Retour d'une année à l'Olympia 1973 avec Blue Sweat Shoes et Le Feu. Il est arrivé avec une grande guitare. On l'appelait le King of Rock and Roll. Quand il s'est mis devant son micro, il a simplement dit: Hi everybody. I'm gonna sing a little song for you now. Yeah. the show. Try to get ready, don't go, cat, go, don't you? Stay for my blue train, too. Well, you can do the thing, stay off for my blue train, too. You can knock me down, stack on my face, slap on my name all over the place. Do the thing that you want to do. On the half of my shoes, but don't you? Stay for my blue train, too. Well, you can do anything, but they are for my blue train, too. Yeah. Drink my salad from my old food jar. Do the thing that I wanna do. On the half of my shoes, don't you? Stay for my blues, say too. Well, you can do the thing that I offer my blues, say too. For the money, two for the show. Try to get ready now, go, go, go, but don't jump. Step on my blues, ain't you? You can do the thing, but they are for my blues, ain't you? Jump, blue, blue, blues, ain't you? Jump, blue, blue, blues, ain't you? Blue, blue, blues, ain't you? Blue, blue, blues, ain't you? You can do the thing, but they are for my blues, ain't you? Vous êtes à l'écoute de l'émission Johnny de A à Z le mercredi, tous les mercredis, de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, on écoute Johnny Hallyday en live. Comme le prochain live, ce sera Vélizy en 1982, avec quelques titres de l'album Quelque part un aigle. Non, oui, Quelque part un aigle. Et aussi des titres de l'album Pas facile. Voici Jean Lemar sur RIG. Tu vas devoir te faire greffer trois langues de plus pour calomnier mes amis tous à la fin. Tu vas devoir te faire greffer un peu. présente John Hallyday sur le porte-avions Foch en 1979. Ça va ? Ce soir là. Musique de la flotte est dirigée exceptionnellement par mon ami Benoît Kaufmann. Sans les oublier, bien sûr. À bout de prières, de poignées de terre. Pas de fleurs, pas de curé. T'es parti, mon frère, boire ton dernier verre, seul au grand bar de l'éternité. Nos deux solitudes avaient l'habitude de vivre ce semblant de vie. Les flics et leurs grilles, le vin et les filles, c'est fini. Salut Charlie, j'irai dans les bars où nous allions le soir pour dire que tu ne viendras plus. Je boirai dans ton verre. Du haut de ton enfer, tu me verras peut-être pleurer. Il me reste le monde, plein de brunes et de blondes, mais sans l'ombre d'une amitié. Le rire et nos bagarres, nos cuites et nos histoires, ouais, c'est fini. Salut Charlie, et je boirai pour deux à la santé des filles, et je boirai pour deux comme avant quand on était deux. Salut Charlie. L'amitié en guenille était ma seule famille. Grâce à toi, je m'en étais tiré. Y a ton chien qui te cherche avec son cœur en laisse. Bien sûr, je ne vais pas le laisser. Je vais payer tes dettes et puis casser la tête à ceux qui te l'ont trop cassé. Nos rires et nos histoires, nos cuites et nos bagarres, oh, c'est fini. Salut Charlie. J'avais tout pour devenir quelqu'un, pour filer doux sur le droit chemin. Mais j'avais en moi, je le crois bien, quelque chose en plus, ou peut-être en moins. Et c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux ainsi. Bien souvent, j'ai envie de t'écrire, mais à quoi bon, je n'ai rien à dire. Il faut croire que le temps fait du bien, emporte loin plaisir et chagrin. Et c'est mieux ainsi. Oui, bien mieux. Quelquefois, elle te ressemble un peu quand le soleil fait briller ses yeux. Quelquefois, j'ai peur de découvrir un peu de toi au fond de son sourire. Elle n'a pas pour me brûler les yeux après l'amour ton regard vainqueur. Mais elle prend ma tête entre ses mains, elle reste là et je l'aime bien. Et c'est mieux ainsi. Oui, bien mieux. Tu pourrais donner signe de vie, mais ne va pas croire que je m'ennuie. Elle a tout pour que je sois quelqu'un, elle m'aimera même après demain. Et c'est mieux ainsi. Ouais, c'est mieux ainsi. Ouais, c'est mieux ainsi. Oui, bien mieux. Ouais, c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux ainsi. Oh, c'est bien mieux. Oui, c'est mieux ainsi. Oh, c'est bien mieux ainsi. Oui, c'est bien mieux ainsi. Faisons un bond dans le temps, voulez-vous ? Oui, on va entre Johnny Hallyday à Vienne le 18 juin 2013. Et ce titre, entre mes mains. Vous écoutez Johnny de A à Z sur RIG 90.7 à bande FM, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Combien de capitaines et combien de soldats, qu'ils soient de plomb, de bois, sont morts entre mes doigts. Je n'étais qu'un enfant. Pourtant, connu bien des filles. Et puis j'ai connu la fille. J'ai souvent fait l'amour. Puis j'ai connu l'amour. Tout paraissait facile. Elle m'aimait et je l'aimais. Mais l'amour c'est fragile. Plus fragile qu'un jouet. Pour passage à Vienne, retrouvons John Hallyday à la Zénith de Paris en 1984, c'est lors du 6 décembre, lors de la séance du 6 décembre 84. Toujours coup pour coup, un coup direct, juste en plein cœur. Malheur au vaincu, j'en ai peur. K.O. debout, sortir vainqueur. Où tu gagnes, où tu meurs. Un coup de poing, un coup de cœur. Un coup de poing. Il faut rester debout en rendant coup pour coup. Coup de poing. Un coup de cœur, un coup de poing. Il faut rester debout en rendant coup pour coup. Je les entends crier, frappe en cœur. Je les entends hurler, frappe en meurt. Wow! Oh, hey! Tendu d'un point reçu, d'un grand amour va y détruire. Puis l'amour qu'on n'attendait plus, on n'a jamais vraiment perdu. J'ai toujours l'imprévu. À tout de fois, à tout de cœur, à tout de fois. Il faut rester debout en rendant coup pour coup, coup de poing. Yeah. À coup de poing. Il faut rester debout en rendant coup pour coup. Coup de poing. À coup de cœur. fois. Il faut rester debout à rendre coup pour tout. Un soleil aveuglant qui vous brûle les yeux. L'amour surgit tristement au milieu d'un jour bleu. C'est trop de bonheur, c'est comme un cri de douleur, l'amour violent. Je ris, je pleure, j'ai l'impression que je meurs, l'amour tyran. C'est trop de joie, c'est trop d'amour à la fois, mais ce jour à me faire peur, je suis fou, mais je m'en fous. Ouais. J'avais un goût d'amertume, j'étais en plein désarroi. Mon cœur battait comme une enclume, l'amour était fini pour moi. Et tout d'un coup, mon cœur s'est enflammé, je l'ai vu. Au rendez-vous du destin, le hasard, l'inconnu. C'est trop de bonheur, je vais encore souffrir, l'amour violent. Je ris, je pleure, je vois déjà l'avenir de mes tourments. Filera toujours entre mes doigts et ce jour à me faire peur, je suis fou, mais je m'en fous. On arrive bientôt à la fin de cette émission Johnny de A à Z version live. Merci. On va du côté de La Rochelle lors des Francofolies en 1991 et en 1993. On commence par le titre « Je ne suis pas un héros ». Comment allez-vous ça? Est-ce que vos vacances se passent bien? Bienvenue ce soir au Francofolie. Bienvenue ce soir dans le monde du rock and roll. Nous sommes là ce soir pour faire de la musique. Nous sommes là ce soir aussi pour que vous puissiez participer avec nous dans notre musique. Ça veut dire le rock and roll. Et cette chanson, je tiens à la dédier à Daniel Balavoine. Les autres n'ont pas voulu garder. vous parlez de ces filles que vous connaissez tous pourtant très bien. Vous ne savez pas très bien si ce soir j'allais vous parler d'elle. Elle a pris mon cœur. Elle a pris ma tête. Elle a pris. Francopholies de 91, voici les Francopholies de 93 avec ce dernier titre de cette soirée live. C'est Je serai là sur RIG. Sur tous les chemins de ta vie, dans le désert ou sous la pluie, quand tu voudras. Je serai là. Que tu viennes d'un château, de nulle part ou d'un ruisseau, quand tu voudras, je serai là. Je serai là si tu veux, comme tes rêves. Si tu es là, moi je serai là. souffle d'un vent géant, dans le sourire du printemps. Quand tu voudras, moi je serai là. En t'aimant dans nos solitudes, dans le confort où la vie trop dure. Je serai là. Si tu es là, tu sais, moi je serai là. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu voudras, moi je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Rien que pour toi, tu sais, moi, je serai là. Si tu es là, je serai là. Que tu aies besoin de moi en janvier, en février, en décembre. Tu vois, tu as besoin de moi, tu vas me faire. Et moi, pour toi, je serai là. Ma vie, pour moi, c'est toi. Et pour toi, je serai là. Restez chez cette émission Johnny de A à Z live de 1963 jusqu'à 1993. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et de la retrouver aussi également au podcast. Coucou hein, les podcasteurs, ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles émissions. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.